mbele Seigneur te bénisse. Bwana Mungu aimbariki. Salutons chacun de vous au nom de Jésus. Tunasalimu kila mmoja wenu mjina Bwana Yesu Kristo. Et vous dans la joie. Eti Mungu katika furaha. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu usome wa neno. Tutaomba. Seigneur, merci. Bwana asante pour la journée que tu nous as encore accordée. Juia mchana tena unatupatia. Nous sommes séparés avec ton peuple. Tuliachana na taifa yako. Et chacun a été dans ses occupations. Na kila mmoja alikuwa makazi yake. Mais dans ta miséricorde. Lakini kwa rehema yako. Tu as été bon envers nous. Ulikuwa mwema kwetu. Et tu as donné la santé à chacun de nous. Et tu nous as donné la grâce de venir dans ta maison. C'est une maison particulière, Seigneur. C'est ici où nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Que ce peuple qui est venu ce soir ne rentre pas comme il était venu. Toi, tu connais nos besoins. Tu connais nos problèmes humains. Et dans notre foi, c'est toi qui as la solution à toutes ces situations. C'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Guéris chaque maladie qui se trouve au milieu de nous. Il y a des frères qui vivent dans des couples troublés. Nous croyons que toi, tu es le prince de la paix. Réconcilie leur cœur pour qu'ils marchent ensemble jusqu'à ton avènement. Il y a des frères qui ont des problèmes financiers. C'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as l'or. Donne aux frères l'argent pour qu'ils puissent accomplir leurs besoins et ils béniront ton nom. Il y a des frères et des sœurs qui ont une difficulté spirituel. Seigneur, toi tu connais toutes choses. C'est pour cela que tu es mort au bois du calvaire. Délivre chaque frère et chaque sœur qui est tourmenté par un démon. À ceux qui cherchent la délivrance, le sang de Jésus-Christ a été versé pour que notre délivrance soit complète. À ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi seul qui va dire. Accorde à chaque frère qui le désire un véritable scellement. Merci Seigneur. Asante Bwana. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus. Donne-nous une bonne compréhension des choses et donne-nous ta révélation. Parle Seigneur. Utilise-moi comme un simple micro. Ferme ma pensée au Père. Mets ta parole sur ma langue. Et que ton peuple soit édifié. Et la parole qui sera lue. N'importe qui peut la lire. Mais l'interprète de celle-ci. C'est toi le Saint-Esprit. Accomplis cela. Pour notre paix. Et pour la gloire de ton nom. Que ta bénédiction repose sur cette église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Deuxième chronique au chapitre 12. Mambo ya siku ya pili sura 12. Nous commençons au verset 2 et 4. Et nous allons toujours prendre notre écriture habituelle, 1 Corinthiens chapitre 10, en son verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. En nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hivi basi yote mekuwazia kama yuko mekushimama, akebe ange ashanguki. Deuxième chronique 12, verset 2. Ambua siku. La cinquième année du règne de Roboam, mwaka wa tano wa utawala wa Roboamu, Tichak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Mfalme wa Misri akapanda kukombanisha Yerusalemu. Parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Kwa maana walitenda dhambi mbele wa milele. Il avait 1200 chars et 60,000 cavaliers. Alikuwa na 1,000 na 200 ya magari na bapanda farasi 16,000. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable. Na kukakuja toka Misri pamoja naye taifa moja wengi sana. Des Libyens, watu wa Libya, des Soukiens, watu wa Suki, et des Éthiopiens. Na wa Ethiopia. Les Soukiens sont des Babyloniens. Abantu wa Suki ni bantu wa Babylone. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda. Akabeba mamiji mkubwa ya nguvu ile ilikuwa ya mwinchi ya Yuda. Et arriva jusqu'à Jérusalem. Na akafika mpaka Yerusalem. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana bariki usome wa neno lake. Nous allons essayer encore de faire un pas en avant. Tout à pima kongeza kutena atua kumbele. J'ai remarqué que lorsque je commence à crier, la plupart des frères ne reçoivent plus correctement ce qui est dit. Nitambua kama wakati mwanzo kulalamika banduku ba mingi bapokee tena ile yenye kusemewa. Vraiment c'est trop difficile parce qu'on crie indépendamment de notre volonté. Ni kitu kigumu juu tunafika mkulalamika haina kwa mapenzi yetu. Mais nous allons tâcher de modérer notre voix pour que tout le monde entende et comprenne ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Lakini tutajikaza jua kuna namna kusema namna ya polepole juu kila mmoja jua tuashikie kile Roho Mtakatifu anapenda kusema. L'église m'a très bien suivi hein. Kama kanisa ilinifuata mzuri mzuri jana. La pensée la plus profonde et la pensée principale que le Saint-Esprit voulait traiter avec nous. Wazo ya upana na ya muhimu ile Roho Mtakatifu alipenda kusemezana na chie. C'était de réveiller la conscience de cette église. Ilikuwa ni ya kulamusha zamiri ya kanisa. C'est réveiller la conscience de chaque frère et de chaque sœur. Kulamusha zamiri ya kila nduku na kila dada. Que nous devons nous tenir en garde. Ya kama tunapaswa kusopoka. Lorsque l'église augmente en nombre. Wakati kanisa inaanza kuongezeka mwingi. Quand l'église commence à augmenter en nombre. Wakati kanisa inaanza kuongezeka mwingi. L'église arrive souvent à s'éloigner de la chose authentique. Kanisa inafikaka wakati yote mkwenda mbali na kitu kia kweli. L'église arrive d'habitude à abandonner la vérité. Na kwa zoezi kanisa inafikaka mkipimo ya kuacha ukweli. Et le peuple de Dieu abandonne ce qu'il faisait. Na taifa ya Mungu inafika mkuacha ile ilianza kufanya. Ce qui est authentique. Kile kia kweli. Et ils veulent maintenant imiter le monde. Na wanatafuta sasa kufuatilisha dunia. C'est là où les gens tombent dans le péché. Na ni pale bantu benangukia muzambi. C'est là où les gens mordent de la poussière. Ni pale bantu banafika mkanguka mbulongo. Et nous en tant que chrétiens nous devons veiller sur ça. Na chie kama ba Kristo tunapaswa kukesha pa ile. Et cette église de Kambove en particulier doit veiller sur ça. Na hii kanisa ya Kambove kwa kipekee inapaswa kukesha pale. Quand les gens augmente en nombre dans l'église, wakati bantu wanaongezeka mubwingi hapo mkanisa, l'influence satanique aussi augmente, uvuto nayo ya shetani inaongezeka. Parce que la plupart des gens qui suivent les masses, juu bantu ba mingi bali bena kufuata nkunji, ne sont pas de véritables chrétiens qui ont un objectif du salut. Abana ba Kristo ba kweli bali wengwa na kifukuzio kya wokovu. Les uns viendront pour être aidés, ba moja batakuwa juu bapate kubasaidia, les autres viendront pour être épousés, bengine batakuya juu babaowe, les autres viendront pour épouser, bengine nabo batakuwa juu bapate kuoa, et les autres viendront pour être parmi les conducteurs. Na bengine batakuya juba kuyeko pamoja mkachikacha bali bakuongoza. Et ceux qui viennent maintenant pour le salut deviennent peu nombreux. Na sasa bali bena kuya juu ya wokovu wanakuwa kiloko sana. Et quand le faux augmente dans l'église, sasa kama bantu bya bongo wanakuwa ba mingi sana mkanisa, ils étouffent le petit nombre de croyants qui gardaient la pureté de la parole et le contact avec le Seigneur. Boba na jimisha mwingi abale bantu kiloko bale baruchunga neno la Mungu na kupatana na Mungu. Ce qui apparaît devant le monde, ce n'est plus ce petit groupe là, mais c'est la masse des inconvertis qui embrouille maintenant l'église. Bale benye kuonekana sasa mulimwengu aina kale kankunji kaloko ni ai nkunji amunene ya bantu ba bongo. Parce que parmi cette multitude, il y a les gens rebelles, les désobéissants, les gens qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu telle qu'elle est apportée. Dieu mwinkunji yote ni bantu bale bantu mboji bakutokutii na abachunge neno la Mungu vile iletwa. Et vous remarquerez que même les dossiers à traiter deviennent plus nombreux que lorsqu'on était un petit nombre. Na mutatambua kama na mambo ya kwanza kusambisha mkanisa inakuwa ya mingi sana kupita wakati kutoka. Vous remarquerez que les conflits dans l'église deviennent aussi nombreux que lorsqu'on était un petit nombre. Na mutaona kama makokotano mkanisa inakuwa ya mingi sana kupita wakati tulikuwa kankunji kama. Vous remarquerez un autre nouveau esprit qui apparaît parmi les gens. Na mutaona sasa roho nyingine ya sasa inaonekana katikati ya watu. Plus être libre, wanapenda zaidi kuya huru, que se soumettre à la parole de Dieu, kuliko kujitiisha kuneno la Mungu. Et ils veulent être libres à la manière satanique. Na wanapenda wakuya huru mukufatana na shetani. Parce que notre liberté se trouve en Christ. Kwa maana uhuru yetu iko ni ndani ya Kristo. Nous sommes libres lorsque nous sommes soumis à la parole de Dieu. Tuko uhuru wakati tunatiishwa kuneno la Mungu. Et quand nous sommes soumis à la parole de Dieu, le Seigneur est obligé de venir nous bénir. Na wakati tunatiisha kuneno la Mungu, Bwana lazimisha kuja na kutubariki. C'est ça les difficultés que nous rencontrons. Jo ile magumu tunakutanisha. Aujourd'hui frère, leo ndugu, même comme je le disais hier, kama vile anza kusema jana, quand vous fréquentez nos plus grandes assemblées, kama unatembelea mama kutani yetu munene, il y a des problèmes si on vous le raconte. Tuko mama mbule kama anakufasiria hiyo. Si vous écoutez cela, kama unishikia, votre oreille va pourrir. Risikio yako itakuoza. Tu peux te poser la question de savoir est-ce que c'est parmi les saints ou c'est parmi les démons. Utajiuliza hii mambo inafanyika ni katikati ya watakatifu au katikati ya mandemona? Pourquoi cela? Ni jua nini ile? Ce sont les ramassis. Ni bakafuatirisha? Qui deviennent maintenant plus nombreux que les chrétiens. Dieu wanakuwa ba mingi kupita ba Kristo. Mais malgré cela, lakini hata vile, Dieu ne manque jamais de témoins. Mungu akosake bashuhuda. Quoi bien mes frères? Una bandugu ba. Peu importe ce que Satan fait. Aizuru kile kiote shetani anafanya. La parole de Dieu reste la vérité. Neno la Mungu inabaki kweli. Avec deux ou trois personnes. Hata na watu mbili au tatu. Avec 10 ou 20 personnes. Au watu 10 au 12. Le Seigneur accomplira sa parole. Bwana atatimiza neno lake. Nous avons évolué pour vous dire. Na tuendelea na kusema que Satan est téméraire. Shetani yeko na rika makamu. Satan ne craint aucun réveil. Ashungupake amka tamoya. Satan ne craint pas le message du temps de la fin. Na ashungupe ujumbe wakati ya mwisho. Satan ne craint pas le tabernacle. Ashungupake tabernacle. Si Satan n'a pas eu peur du Seigneur lui-même. Kama shetani ashungupe Bwana mwenyewe mumbaji wake. Il est allé jusqu'à le tenter. Anenda kumujaribu paka na yeye mwenyewe. Mais toi tu n'es même pas un demi créateur. Sasa wewe hauna hata muumbaji wa kipande. Vous voyez? Unaona? Nous devons comprendre que les choses de Dieu ne se prennent pas à la légère. Tunapaswa kuona kama vitu vya Mungu tuweze kumchunga bilole. C'est ainsi que nous avons insisté. Je voulais tout dire mais ukazisha. Vous devez savoir. Unapaswa kujua qu'ici à Kambove, na kama hapa Kambove, toutes les armes de Satan, masila yote ya shetani, sont braquées sur le Kambove Tabernacle. Acha kuyangarishisha ni huko Kambove Tabernacle. Pas seulement sur vous, aina juu paka yako, c'est sur moi en tant que berger, ni kwangu mie kama mchungaji, c'est sur mes associés, ni kwa aba venye kunisaidia, c'est sur les diacres, ni kubashemashi, c'est sur les officiants, ni abote venye kutumika katika kazi ya kanisa, chaque membre de cette église, na kila membre wa kanisa. Imaginez aujourd'hui, uwaze kwa tale huyu, si vous apprenez, kama unashikia habari ya sema, votre pasteur, nasema pastor wenu, engrosse quelqu'un, yule anapacha mtoto mwa mimba umu Kambovu. Voyez un scandale comme ça. Unaona kikwazo sakili. Imaginez aujourd'hui. Waza leo hii. Si vous apprenez. Kama unapata habari ya sema. Que votre ancien. Mzee wenu. A volé. Yeye ulariba. Ou il s'est bagarré. Ese era kombana kule. Ça va faire la tole le tole dans la ville. Itafanya makelele sana mumkini. Vous allez marcher tête haute. Et tu t'attendais à quelque chose à Kunyoloka? Non. À Pane? Tu marchais sur la grande avenue. Où rien de vous t'embêler à mon balabala monéne. Tu vas maintenant marcher sur les chantiers. Où rien de vous t'embêler à mon tumanja tulo. Même si vous essayez de défendre. Attaque à mon avis. Oui, tu es un homme. Mais dans ton cœur là, tu seras mouillé. Où t'as quoi sur l'obana? Imaginez aujourd'hui. Où est allé oui? Si Satan réussit comme Shetani à la ouest à me séparer avec mes associés. Alors tu comme kuni tenganisha na basaidi zivango. Vous savez ce que cela va faire dans la cité? On a créé il t'a fait n'importe quoi. Parce qu'ici à Tambov, Jumu Mukambovu, malgré les critiques de toutes les églises, à ta ville Makanisa na tushimani, néanmoins ils savent que à toi Sema, à Kambov une seule église qui est sérieuse, qui défend la parole de Dieu, c'est le Kambov Tabernacle. Ni Kambov Tabernacle. Ils le savent. Baneyua. Ils savent que ces gens-là ne sont pas des aventuriers. C'est pourquoi quand vous faites une erreur, même les gens savent que tu es faux. Les gens viennent ici, nous écoutent. Ils voient votre comportement dans la cité. Mais quand vous marchez d'une manière contraire à ce qui vous est enseigné, vous révélez seulement que vous n'êtes pas la semence de Dieu. Sasa kama unatembea kipindupindu na ile unafundishiwa unaonesha kama una mbeko ya Mungu. Ainsi, yo hivi. Que je vous en supplie. Mina misi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Bwana Yesu Kristo. Évitez de vous quereller entre vous. Mwache surtout vous les membres de cette église. Mwache makokotano katikati yenu. Zaidi zaidi mwa memba hii kanisa. Mina misi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. N'allez pas critiquer vos conducteurs. Tiende kushimanga biongozi. Quand vous critiquez vos conducteurs, même à la cité là, ces gens là savent que toi tu es faux. Anaya sema, wewe huko adia bongo. Parce que les gens de la cité là n'ont rien à nous reprocher. Même si tu leur dis, nous connaissons les pasteurs. Et ils nous connaissent mieux que toi. Ils savent que nous ne sommes pas dans les chantiers privés. Nous n'avons pas un chemin serpenté. Notre vie est lumière. Maisha yetu ni nuru. Vous voyez mes frères. Ils peuvent te prêter oreille pour te séduire. Mateza tu kusikia, tu kutongoza. Pour se moquer de toi après. Lakini sha bakuchekele. Mais leur conscience. Lakini zamiri ya base que. Anayua mzuri asema. Vos bergers marchent dans la crainte de Dieu. Achungaji yenu vena tembea mboka ya Mungu. L'église est avec moi. Et kanisa iko pamoja na. À cause de la vérité que nous défendons. Neno ile tunashimamia. Voilà pourquoi Satan est en guerre contre nous. Tazama juu ya nini shetani atukombanishe kwa nashi mumvita. Nous avons une guerre de l'intérieur comme de l'extérieur. Tuko na vita na ndani na nje. Alors, c'est à vous de soutenir cette église est vos conducteurs dans vos prières. Satan n'est pas content de te voir marcher dans la foi. Satan n'est pas content de voir cette église marcher dans la paix. Satan n'est pas content de te voir à côté de la sœur ou du frère communier dans la paix. Satan ne veut même pas voir votre couple en paix. Satan ne veut pas voir vos affaires prospérer. Satan ne veut pas. Et c'est vous qui devez comprendre cela. L'église est avec moi. Très clair et très simple. Et c'est ça même la préparation de l'épouse. Si vous écoutez ça, vous vous réveillez et vous vivez en conséquence, nous serons une bonne église. Et Dieu marchera dans sa puissance au milieu de nous. Lorsque Roboam abandonna la loi de l'Éternel, il abandonna Dieu parce qu'il voulait maintenant marcher dans les voies des nations. Et tout Israël abandonna la loi de Dieu. Et tout Israël abandonna aussi l'Éternel. Na Israël yote kacha nayo Mungu. Ils suivirent leur roi. Wakafuata mfalme wabo. Dans l'idolâtrie. Mkuabudu kwa masanamu. Dans la désobéissance. Mkutokutii. Dans le péché. Nzambi. Et cela na ile mit la colère de Dieu. Mit Dieu en colère. Ikaweka Mungu katika katirani. Écoutez, frères et sœurs. Msikie ndugu na dada. Un véritable chrétien, mon Christ wa kweli, qui est né de nouveau, mwenye kuzaliwa jipya, membre du Kambov Tabernacle, memba wa Kambov Tabernacle, qui soutient l'œuvre de Dieu ici, mwenye kushimamia kazi ya Mungu hapa, et qui veut voir cette œuvre prospérer, na anapenda kuona hii kazi kunaendelea, et cette église en paix, na hii kanisa katika salama, ne peut à aucun cas, hawezi kamwe faire sa prière sans prier pour son pasteur et ses conducteurs. Pasteur wake na viongozi yake. L'église de Kambove est avec moi. Je vais avec vous lentement. Je vais avec vous lentement. Un véritable chrétien de nouveau, même dans toutes les églises chrétiennes, ne peut jamais achever sa prière sans prier pour son pasteur d'une manière particulière. Pourquoi? C'est parce que si le pasteur priait la tête mwenye kuwa kichwa du corps local ya mwili ya pali, ne marche plus, ashitembe tena dans la voie de Dieu, munjia ya Mungu, ne plus conduit par le Saint-Esprit, ana tena mukongozwa na Roho Mtakatifu, il n'a plus une bonne vision, ana tena la kuona kuzuri, l'église tout entière, kanisa yote, sera conduit à la dérive, itaenda ni mukuanguka. Bien-aimés frères et sœurs, le berger a une très grande responsabilité et devant Dieu et devant les hommes. Dans l'église, dans le véritable croyant prennent la parole de leur pasteur comme une question de vie ou de mort. Dans bien-aimés frères et sœurs, Quand le pasteur wakati mchungaji dit quelque chose, anasema kitu fulani, c'est la vérité, ile ni kweli, pour l'église, pour kanisa. Celui ni yeye qui a la conduite, je veux qu'on a uongozi de l'église, ya kanisa. Si maintenant lui kama sasa yeye commence à se me conduire, anaanza kujiongoza mbaya, il conduit maintenant les gens en dehors de la volonté de Dieu, anaongoza bantu inje mapenzi ya Mungu, il n'y a pas suffisamment de gens, hakuna tu bantu bakuyana voir la déviation du berger, bakuweza kuvumbula ule kwenda pembeni kwa mchungaji, ils seront tous entraînés dans l'erreur du berger, nabo batavutwa mwile ukosefu ya mchungaji. C'est pourquoi Satan, il a d'abord comme premier cible, Eko, c'est le berger local. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit, frappe le berger et les brebis seront dispersés. C'est ainsi qu'en tant que brebis du Seigneur, un homme qui vient à cette église, qui vient à sa paix, à sa croissance, à sa bénédiction, qui comprend mieux la responsabilité qu'a un berger local, la responsabilité qu'ont les conducteurs, il doit faire dans sa prière une prière particulière, entièrement centré yenye kusimamia sur le berger, pa machungaji kuombea, pour que Dieu ya Mungu maintienne le berger, ashikamishe mchungaji sur le droit chemin, munje akunyoloka, pour que Dieu ya Mungu maintienne le berger, ashimamishe mchungaji dans la vérité, mu kweli, pour que Dieu Mungu donne une bonne vision, une bonne compréhension, un bon sentiment dans les bergers, à l'égard de l'église qu'il conduit. Kanisa ile inaongoza. L'église tiendra kanisa tashimama à côté de ses bergers, comme Josué et vile Yoshua, qui tenait maintenant les mains de Moïse, mikono ya Musa. C'est vous ni mwei qui nous soutenez par la voix de la prière, afin que Dieu mette toujours sur nous l'huile, son huile, son onction, pour que vous mangez une bonne nourriture. Lorsque les brebis comprennent cela, Seigneur, où est notre pasteur, où est notre ancien, où est nos diacres, où est nos prédicateurs, lorsqu'ils monteront du haut de la chaîne, qu'ils ne parlent pas de leur part, qu'ils passent de ta part pour notre bénédiction, Dieu ne va pas exaucer la prière du pasteur, il va exaucer votre prière parce que vous avez un cœur sincère qui a besoin de Dieu. Comme vous avez besoin de Dieu, Dieu fera en sorte qu'il vous donne à travers le berger une parole qui va vous conduire en sa présence. Vous êtes co-ouvriers avec le Seigneur. C'est un travail d'ensemble. Mais comment tu peux prier pour ton pasteur, ton ancien, ton diacre, ton prédicateur, si vous ne l'aimez pas, si vous le critiquez, si vous l'haïssez? Voyez frère, voyez sœur, regardez ce qui s'est passé avec Roboam. C'est Roboam qui abandonna le premier la loi de l'Éternel, et la Bible dit, la Bible la sema, et tout Israël, na sasa Israël yote abandonna avec lui, ikaacha sheria wa milele pamoja naye. C'est vrai frère, ni kweli ndugu, surtout quand un serviteur zaidi wakati mtumishi a une bonne réputation dans l'église, eko na kavumu mukanisa, comme un bon berger, un bon enseignant, kama vile mchungaji mzuri, mwalimu mzuri, ces déviations kwenda pembeni kwake ne seront pas tellement remarquables. Anto vate vumbula kwa upesi. Vous voyez, les bébés ne découvriront pas facilement vumbula kwa upesi ces déviations. Kwenda pembeni kwake. À cause de la confiance, juu ya tumaini, ils ont dans leur conducteur. Ile wanaweka kwa mwongozi wabo. L'église est avec moi. Et kanisa iko pamoja nami. C'est ainsi que vous voyez. Ndio hivi mnaona. Ou quelques frères. Les anciens frères d'ici. Lorsque la nouvelle lumière est arrivée ici, wakati nuru mupya, mafundisho nuru mupya ilikuja. Comme toute la masse, vile nkunjo yote avait confiance dans un serviteur de Dieu. Bana tumaini ndani ya Yesu. Kila mtu mmoja marche correctement avec le Seigneur. Tembea mzuri. Kai ni devia. Wakati alienda pembeni. L'église n'a pas vu. Kanisa haikuona. Comment il a devié? Kone vile alienda pembeni. L'église l'a suivi dans toute la déviation. Ilimfuata mkwenda pembeni kwake. Vous voyez, munaona, c'est pourquoi vous avez une grande responsabilité. Quand vous priez, vous dites, Seigneur, maintiens notre berger dans la vérité. Mukweli, maintiens notre berger sur le droit chemin. Maintiens nos anciens dans la vérité. Maintiens nos diacres dans la vérité. Maintiens nos conducteurs dans la vérité. Maintiens toute notre église dans la vérité. Si c'est une soif qui est à nous de marcher toujours dans la vérité, notre Dieu nous exaucera. Nous resterons dans la vérité jusqu'au toujours. Jusqu'au retour du Seigneur. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Vous avez le droit de bien manger. Ah, de bien manger la parole. Frère, vous avez, c'est votre droit de bien manger. Si le pasteur n'a pas bien prêché, c'est votre droit de venir. Pasteur aujourd'hui tu n'as pas bien prêché. Pasteur, il est en. Vous voyez, c'est votre droit. Vous n'avez pas abandonné vos travaux. Vous n'avez pas abandonné vos activités. Vous n'avez pas abandonné vos maisons. Quelles sont les activités qui pouvaient vous rapporter l'argent pour venir entendre des foutaises, des blabla. Non, bien aimé frère. C'est pourquoi quand nous montons ici, nous devons être sérieux parce que nous parlons aux âmes pour lesquelles Christ a versé son sang au calvaire. Et nous comprenons que les âmes qui sont devant nous viennent à nos paroles pour une question de vie ou de mort. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, c'est votre devoir, c'est votre responsabilité de prier pour nous. Oui bien mes frères, quand vous venez même dans l'église, même à ton église, quand tu pries là, c'est pourquoi un véritable chrétien vient avant. Pourquoi il vient avant? C'est pour se consacrer lui-même à Dieu, pour que Dieu lui parle, et consacrer le prédicateur du jour, son pasteur, pour que Dieu lui parle à travers son pasteur, et consacrer toute l'église pour que l'église soit élevée dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de recevoir toutes les bénédictions rédemptrices que Christ nous a acquises au bois du calvaire. Vous voyez bien mes frères, dis Seigneur, descends aujourd'hui, parle-moi à travers mon berger, à travers mon ancien, à travers mon diacre, à travers le prédicateur du jour. C'est votre responsabilité. Parce que s'il dévie, vous ne resterez pas sans conséquence. Dans toutes les époques, c'est toujours le conducteur qui conduisent les gens d'une mauvaise manière. Quand un conducteur de vie. Wakati mwongozi anaenda pembeni. Un conducteur de vie. Wakati mwongozi anaenda pembeni. Frère, ma soeur, ce n'est pas aisé de découvrir que un conducteur a de vie. Kama huyo mwongozi wetu anaenda pembeni. Voyez bien mes frères. Unaba ndugu wapendwa. Voyez bien mes soeurs. Badala wapendwa. Regardez quand Paul parle. Muone wakati Paulo anasema. Nous, anasema sisi, nous ne falsifions pas la parole. Si, atufike mkipimo akaribisha neno. Nous n'avons pas l'intention d'altérer la parole. Ya kugeuza neno. Pourquoi Paul le disait? Jani ni Paulo alianza sasa. On ne peut pas altérer la parole. Hauwezi kuharibisha neno. Parce que la parole est altérée. Kama neno inaharibishwa, la mort entre dans le camp. Lufu inaingia katika kampi. C'est fini mon frère. Na ile kunaisha ndugu. C'est fini ma sœur. Naisha dada yangu. Une fois que la parole est dérangée, c'est fini pour l'église. La croissance est arrêtée. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes sœurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Au verset, commençons verset 1. Hein? C'est pourquoi, Jokwaman, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Quel courage? Courage de vous annoncer toute la vérité de Dieu. Courage de vous enseigner tous les conseils de Dieu. Vous voyez, nous rejetons les choses honteuses qu'elles se font en secret. Quelles sont les choses honteuses? Imaginez un pasteur, un berger, un ancien, un diacre commence maintenant à courir avec les jeunes filles dans l'église. Il prend les femmes d'autrui. Un pasteur commence à escroquer les frères l'argent. Ce sont des choses honteuses qu'on ne doit même pas nommer dans l'église. Nous avons vu des églises où les pasteurs accouchaient à presque avec toute l'église, avec toutes les femmes de l'église. Ce sont des choses honteuses qui se commettent en secret qu'on ne doit même pas nommer au milieu de nous. Mais un homme sincère, une femme sincère, dans sa prière, il aime son berger, il veut être édifié par son berger, il priera pour lui, pour dire Seigneur, maintiens notre berger dans la vérité, maintiens notre berger dans la sainteté. Si le conducteur commence à mener une vie double, l'église sera sauvée. Non, l'église sera tuée. Et tous les ramassis qui sauront que le pasteur a une vie double, ils emboîteront le pas et l'église sera ruinée. Même si vous avez un bâtiment d'un million, c'est un bâtiment sans valeur. Vous voyez, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Premièrement. Deuxièmement, nous n'avons point une conduite assieuse. Et troisièmement, nous n'atterrons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Vous voyez les trois choses que l'homme de Dieu t'a fait. Si les bergers, les conducteurs commencent à mener une vie double, ils commettent des choses honteuses. L'église Kanisa sera ruinée. Itabomoleo. Si kama les conducteurs viongozi commencent à mener bananza, ils ont une vie astueuse. Vous voyez, l'église sera ruinée. Kanisa itabomolewa. Si les bergers, les conducteurs commencent à altérer, ils falsifient, ils commencent à interpréter la parole selon leur manière. Frère, l'église sera ruinée. Ces trois choses ici sont les choses qui ont ruiné toutes les dénominations que vous connaissez. C'est pourquoi ils sont incapables de lever leur voix contre l'adultère, contre l'escroquerie, contre les fausses choses. Ils vivent déjà dans ces bêtises-là. Comment un pasteur adultère peut-il condamner les adultères dans son église? Comment un pasteur escroc peut condamner les voleurs dans son église? Comment un pasteur qui prêche ses propres pensées, il prêche les fausses doctrines, peut-il s'opposer à la fausse doctrine? L'église est avec moi. Voyez la responsabilité d'un berger, d'un conducteur. Ici, nous ne parlons que sur ce seul verset. Roboam, lui le roi, il a abandonné la loi de l'Éternel. Et Israël tout entier a abandonné la loi. Vous nous avez toujours entendu dire ce que vous vivez, c'est ce que nous vous prêchons. Si nous commençons, nous changeons l'évangile, nous altérons l'évangile, nous commençons à vous prêcher autre chose, même votre attitude, votre comportement changera complètement. Si nous commençons à tolérer certaines choses, ces choses-là apparaîtront dans l'église. C'est vrai, frère. Mais par la grâce de Dieu, nous vous enseignons la vérité de Dieu telle que le Seigneur l'a révélée dans cet âge. Et l'esprit de lui, Naroya Elia, est notre aide ina tusaidia, njo msaada yetu, pour maintenir l'église sur le droit chemin. Munjia kunyoloka. Vous voyez, munaona? C'est pourquoi votre prière est importante. Kwa mana, maombi yenu ni ya mafaa sana. Si notre évangile est voilé, kama injili yetu inakuwa kufunikwa. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les yeux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est pourquoi si vous suivez nos enseignements, quand vous suivez nos prédications, nous ne mettons pas les gens derrière nous. Nous ne mettons pas les gens derrière cette église. Nous prêchons de manière à vous amener à Christ. Tout homme sincère, toute femme sincère, qui vit dans cette église de Cabo, c'est que nos bergers ont toujours un souci, c'est conduire, de nous conduire à Christ. C'est pourquoi vous comprendrez, nous essayons de chercher, nous disons même des choses qui sont contre nous. Pourquoi? Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles, des instruments que Dieu a placés au milieu de vous pour vous conduire à Christ. Et Christ est la vérité. Et Christ est la parole de vérité. Nous voulons que l'église de Cambo soit satisfaite de la parole révélée. Nous voulons que Christ remplisse vos cœurs. Nous voulons que la parole remplisse vos cœurs. Nous voulons que la parole remplisse cette église. Nous voulons que vos yeux soient braqués sur Christ, parce que c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Moi, je passerai. Tous les anciens passeront. Les diacres passeront. Nous sommes des serviteurs du temps. Nous ne servirons que le temps. Dans, au temps dans lequel Dieu nous a lotis. Quand notre temps sera achevé, nous partirons, mais l'église restera. Mais par la grâce du Seigneur, nous voulons vous parler de la part de Dieu de cette manière, même si notre temps, et lorsque notre temps sera terminé et que nous serons partis, que celui qui viendra suive les traces par lesquelles nous sommes passés pour nous amener à Christ. C'est pourquoi nous nous donnons le luxe de vous dire même des petites choses. Vous voyez, quand vous écoutez l'enseignement sur les 70 semaines, on ne commence pas ici, j'ai commencé. Même quelqu'un qui m'entend parler, il dit, mais il va avec l'église où? Parce que quand on enseigne les 70 semaines de l'année, c'est de la mathématique, c'est des problèmes de la connaissance. Mais nous ne voulons pas vous donner de la connaissance. Nous voulons vous donner la vie de Dieu. Vous devez comprendre. S'il y a des choses qui sont arrivées dans la marche d'Israël, Israël a toujours été le modèle de l'Église, de l'Église des Nations. Là où ils sont tombés, là ils ont fait des erreurs. Et nous devons prêter aussi attention pour ne pas tomber là-bas. Jusque maintenant, on n'avait pas parlé 70 semaines de l'année. Nous sommes que dans les préliminaires. Mais ces préliminaires sont très importants pour chaque individu, parce que ces préliminaires l'attachent à Christ de telle manière que l'enseignement ne doit pas être théorique, mais que ça soit une vie. Maintenant vous comprendrez pourquoi ils sont tombés, pourquoi tu les as abandonnés. Vous voyez, et cela maintenant nous retient pour ne pas tomber dans le même piège du diable. Priez pour vos conducteurs. Thank you.